Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Bilan du Canadien de Montréal. Marc Bergevin va le faire à 16h30 et c'est une journée aujourd'hui évidemment qu'on va parler beaucoup du Canadien. Et évidemment, on va y aller avec une table ronde avec nos amis. D'abord Stéphane Lebeau. Salut Steph. Salut Danny. Et Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Avant toute chose, je voudrais revenir, on en a parlé en dehors des ondes, mais je voudrais vous en parler en ondes aussi. La semaine passée, je sais que je n'ai parlé avec Phil Desgagné. Phil faisait partie du comité de sélection des 100 meilleurs joueurs de la Ligue du Québec. Les deux, vous avez été sélectionnés, et puis on parlait des joueurs qui auraient pu se retrouver là-dessus aussi. Ça devait pas être facile. D'abord, on va commencer avec Stéphane. Ça devait pas être facile. Oui, ben d'un, je suis très honoré d'avoir fait cette liste-là. Par contre, c'est évident là que c'était pas facile de classer les joueurs. Et puis bon, le chiffre importe peu. Mm. Cette reconnaissance-là, je l'apprécie. Mais en même temps, là, j'ai côtoyé, joué contre des adversaires, dont notre collègue ici, Marc Fortier, mon frère Patrick et plusieurs autres qui auraient pu se retrouver sur cette liste-là, de toute évidence. OK. Marc, on a nommé Patrice Tremblay. Tu l'as souvent nommé. Tu en as souvent parlé aussi. Tu l'as souvent dit que Patrice t'a aidé beaucoup dans ta sélection. Il y avait Jean-Marc Richard aussi. L'époque des Saguenay, ton époque, là, ça devait être... Il y a eu des joueurs qui auraient pu se retrouver dans le top 100 aussi, là, facilement. Ouais, mais c'est pas le top 100, Danny, c'est le top 50 là qui ont sorti. Mais oui, beaucoup de gens m'en ont parlé. Puis je vais redire ce que j'ai répondu à tous ces gens-là, c'est que est-ce qu'on aurait mérité d'être dans cette sélection-là? Je peux pas te le dire, sauf que je peux te dire que tous les 50 qui ont été honorés, qui ont été sur cette liste-là, méritent d'être sur cette liste-là. C'est difficile, savez-vous. J'entendais ça, là, ça fait 50 ans. Me semble, là, parce que j'étais au banquet de la Ligue, là, je pense qu'ils ont parlé qu'il y avait 9500 joueurs qui avaient passé dans le junior majeur. Là. Hey. Fait que je peux-tu dire que faire la liste des le top 50, là, c'est toute une mission. Et tu sais, des fois, on oublie l'époque des années 70 parce que ça fait tellement longtemps, puis il n'y a pas autant de vidéos puis de séquences qu'on peut voir par rapport à aujourd'hui. Mais il y a eu d'excellents joueurs qui sont passés à cette époque-là. Alors, c'est difficile de dresser une liste de 50. Et puis, félicitations à Stéphane qui est sorti 23e sur les 50 meilleurs. Et puis, tous ceux qui ont fait partie de cette belle aventure-là, même s'ils ne sont pas dans le top 50, c'est des moments qui sont inoubliables dans notre carrière et dans notre vie. Alors, on est des privilégiés d'avoir passé par la Ligue junior majeure du Québec. Effectivement. Messieurs, bilan du Canadien, sur une note de... 100 quand même. On va y aller avec par chiffre plutôt. Stéphane, tu donnes quoi la note de la saison du Canadien, toi? Sur combien, Danny? Ouais, on va donner A, B, C, D ou E. Donc tu donnes quoi, toi? Moi j'ai donné B. Je donne un B pour le Canadien. Ouais, ok. Ouais, moi aussi. Quand même une bonne saison, mais c'est sûr que si on ma note de B est en rapport à l'année passée. Ouais. Mais par contre, moi, je pense que le verre est encore à moitié vide et puis on pourra s'expliquer ça plus tard. OK. Toi, Marc? Oui, ça a bien de l'allure. Moi, un B pour la saison du Canadien. J'aurais envie de dire un B par rapport au résultat parce qu'on est passé si près et être si loin d'une participation aux séries. Je donnerais quasiment un A dans le sens que pour moi, là, honnêtement, quand je regarde les équipes. Quand je regarde l'équipe du Canadien, tu regardes les équipes qui ont fait les séries, si tu regardes des Washington, tu regardes du Pittsburgh, tu regardes même Columbus, regarde le top 6 de ces joueurs-là, puis regarde le top 6 chez le Canadien. je m'excuse, là, mais on est dans deux mondes différents. Là. Les équipes qui auraient peut-être été comme le Canadien, mettons une équipe qui n'ont pas un top 6 extraordinaire qui ont fait des séries, on parle de la Caroline. Puis peut-être même les Islanders là, qui jouent une, qui ont joué une saison extraordinaire avec le départ de Tavares, ça c'est une mention digne là, de la part des Islanders. Mais à part de ça, là, quand tu regardes le top 6 à Montréal et le top 6 dans ces équipes-là, la marche est haute encore. Là. Ben, c'est clair. Et Stéphane, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, j'ai dit que le danger là-dedans, c'est qu'il ne faudra pas que Marc Bergevin saute trop vite aux conclusions. Par le passé, Bergevin, il a surévalué son équipe. Ouais, exactement, c'est ça le danger. Le présent n'est pas garant du futur. On peut en parler, entre autres, à différentes équipes, dont les Oilers d'Edmonton, ouais. Eux qui pensaient que cette sortie de la misère ont retourné rapidement là dans les bas-fonds du classement. Donc, il n'y a jamais rien d'acquis dans le hockey. Et c'est ça le danger. Marc Bergevin a fait la différence pour moi cette année parce que, bon, depuis plusieurs années, depuis qu'il est en poste, à cause de son manque de développement, de production de jeunes joueurs, il a dû faire beaucoup de rapiessage. Et voilà 2 ans, il a fait vraiment beaucoup d'erreurs dans ses engagements de joueurs. Mais l'été passé, avec les transactions de Domi Tatar, avec l'addition de Armia, et d'autres joueurs, ça a tourné en sa faveur et c'est ce qui explique un petit peu que le Canadien, même si, comme Marc l'a bien expliqué, c'était pas l'équipe la plus talentueuse, mais ensemble, ils ont connu une bonne saison de hockey et dépassé les attentes. Mais maintenant, Marc Bergevin se doit de continuer là, à trouver des effectifs qui vont maintenant arrêter de penser qu'il faut seulement faire les séries, mais justement venir compétitionner contre les équipes qui sont beaucoup mieux nanties que le Canadien. Parce que Marc, tu es d'accord avec moi, on a souvent dit avec Carey Price, tout est possible, mais Carey Price a connu une superbe année, c'est un candidat Vezina selon moi. Je sais, j'ai été critique envers Carey Price par le passé, mais cette année, faut donner à César ce qui appartient à César. Je suis pas sûr que si Carey Price connaît pas une aussi bonne année, Canadien, on est dans la loterie pour Jack Hughes ce soir, là, probablement. Là. Fait que... quelque part, il n'y a rien qui garantit que des Tatar, des Petrie, des Dano, des Price vont répéter la même exploit. Hein. Oui, mais tu sais, il faut que tu le calcules, il est dans ton équipe. Ouais. Là, on peut pas dire... Là, je t'ai nommé plusieurs. Petrie aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Il faut... Moi, je pense que Price se doit d'être à la hauteur comme ça tous les années. C'est un petit peu le hic, là, parce que c'est pas sa première bonne saison qu'il a, le Price. Il a déjà connu des bons moments dans les années passées. Puis à un moment donné, je sais pas si c'est des problèmes personnels ou problèmes un petit peu qui a fait qu'il y a eu des saisons ou des séquences plus difficiles. Alors, on a besoin d'avoir, c'est sûr et certain que le Canadien a besoin d'avoir un Carey Price à son meilleur s'ils veulent rentrer dans les séries éventuellement, comme la plupart des équipes ont besoin que leur gardien soit un de leurs meilleurs joueurs. Ou ce que c'est plus inquiétant, ben c'est après ça, tu sais, Dano, est-ce qu'il peut continuer à être un centre des deux premiers trios? Je l'adore, Dano, mais quand tu dois jouer contre Crosby, tu dois jouer contre Ovechkin puis Backstrom tous les soirs, puis nommez-les, tu sais, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile là pour le Canadien. Alors, c'est sûr qu'ils doivent améliorer le top 6, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, encore une fois, on va aller patcher des trous puis essayer de signer des agents libres en fin de carrière ou le développement des jeunes semble être bon? On doit y aller par le repêchage et développer notre équipe comme on l'a fait avec Kotkaniemi puis avec les futurs qui s'en viennent, Suzuki. Là, on a vu Peeling qui a joué un très bon match, dernier match de la saison. Est-ce qu'on doit continuer à prendre cette voie-là et malheureusement avoir peut-être encore une ou deux années de misère, ou bien on essaie au 1er juillet d'aller chercher un agent libre qui va peut-être avoir un impact immédiat et qui va permettre aux Canadiens de faire les séries. Parce que c'est un piège, hein? C'est un piège, Stéphane, le 1er juillet. Moi, je calcule ça d'un piège. Par le passé, ça n'a pas toujours bien viré. Les équipes payent souvent trop leurs joueurs. Ouais, faut être très prudent. On parle souvent d'échecs dans ce cas de joueurs-là. On parle aussi peut-être, là, dernièrement, là, de la possibilité de faire des offres hostiles à des joueurs beaucoup plus jeunes qui sont au sommet de leur art. On pense entre autres à Mitch Marner et d'autres candidats potentiels. Est-ce que Marc Bergevin aurait le courage de s'embarquer dans des offres hostiles face à ses collègues? Je ne sais pas. Mais encore une fois, là, Marc a bien résumé la situation. Est-ce qu'on va être patient? Parce que avec la transition du Canadien vers les hauts sommets, ou est-ce qu'on va aller sur la voie rapide? Cette année, quand on regarde ça, là, Kotkaniemi a mis un bombe sur la plaie des partisans parce qu'il a ravivé l'espoir des jeunes. Mais si on regarde en fin de saison, le nombre de joueurs repêchés là, par le Canadien qui étaient dans l'uniforme du tricolore, il n'y en avait pas beaucoup. Là. C'est tous des joueurs qui sont provenus de l'extérieur. Donc, encore une fois, les jeunes qu'on annonce, on a vu le début fulgurant de Peeling, mais tous les jeunes qu'on annonce vont-ils vraiment devenir des joueurs de premier plan, des joueurs d'impact? Même pour Kotkaniemi, j'ai bien aimé sa saison. On a vu une fin de saison beaucoup plus difficile pour lui. Mais quel style de joueur va-t-il devenir? Est-ce qu'il va vraiment s'établir comme un joueur de centre numéro un dominant? Ou est-ce qu'il va être un bon joueur de centre comme il l'a montré cette année? Est-ce qu'il va continuer à progresser? Ou est-ce qu'on a vu le meilleur de Kotkaniemi? C'est tous des points d'interrogation qui vont faire en sorte qu'il pourrait avoir une influence sur l'avenir du Canadien. Par contre, ce que je te dirais dans le cas de Kotkaniemi, c'est que c'est un jeune joueur de 18 ans qui n'était pas habitué nécessairement de jouer un gros calendrier. C'est ce qui pourrait expliquer ça aussi, là, Stéphane. Non, je comprends ça, Danny, mais tu sais, si on regarde, là, c'est parce que on fait les jeux de projection, comment le joueur va se développer. On a un bon exemple dans notre cas, Jonathan Drouin. Ah, c'était ma prochaine question. Soit de troisième ronde au classement, on le projetait comme un joueur vedette de la Ligue nationale. Cinq ans plus tard, c'est un très bon joueur de hockey, Jonathan Drouin. Mais est-ce qu'il a le potentiel de devenir un vrai joueur d'impact, un joueur qui va transporter son équipe? Ben là, je commence à avoir un petit peu mes réserves. Donc, c'est pour ça que je me garde un petit bémol sur Kotkaniemi. Oui, c'est un bon joueur, c'est un joueur calibre Ligue nationale, mais est-ce qu'il va devenir un style Sidney Crosby, Kucherov, ou est-ce qu'il va simplement devenir ou rester un genre de Drouin, bon joueur, mais sans être un joueur de premier plan? Parce que Drouin, t'es d'accord avec moi, Marc, dans les 25 derniers matchs, il a été blanchi dans les 23 matchs. C'est pas un... Puis le Canadien avait besoin de Jonathan Drouin, de la production de Jonathan Drouin. Là. Tu sais comment on était dans le plafond. Donc, puis là, le dire que c'est encore un jeune, c'est un jeune vétéran. Là. Maintenant, quand ça fait... Tu sais, de toute évidence, Drouin, ce ne sera pas le style de joueur pour transporter ton équipe. Là. Ben, écoute, Danny, moi, la chose que je pourrais te dire, c'est que les performances de Carey Price ont permis aux Canadiens de quasiment faire les séries. Ouais. Et le rendement de Drouin a fait que les Canadiens n'ont pas fait les séries. Ouais. C'était le joueur, si lui avait steppé up dans le bon temps, s'il avait été à la hauteur des attentes, à mon avis, il aurait réussi, le Canadien. Là, c'était un gros morceau. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal aux Canadiens. Est-ce qu'il va être capable de supporter cette pression-là au fil du temps? Je ne sais pas. Tu sais, quand on regarde le background, là, moi, je suis pas là pour salir le gars. Là. Je pense que potentiellement parlant, c'est un petit gars qui a énormément de talent et qui peut faire la différence. Mais si on remonte au Midget 3, là, juste pour faire un historique, là, le petit gars qui change d'adresse Midget 3 parce qu'il veut pas jouer dans sa région puis il veut se retrouver au Lac-Saint-Louis puis jouer au Lac-Saint-Louis puis qu'il y a du talent, tu changes d'adresse. Un petit gars qui arrive junior majeur qui dit à toutes les équipes junior majeur, je veux pas jouer dans le junior majeur, je veux m'en aller dans un collège américain, repêchez-moi pas, ça se produira pas, puis que, oups, le lendemain, il est repêché à Halifax et que toutes les ententes sont faites puis qu'il s'en va là. Un petit gars qui arrive à Tampa Bay dans la Ligue nationale, qui fait la grève dans la Ligue nationale quand t'es un jeune joueur, une recrue, puis que tu décides que c'est ta façon à toi qui va marcher, puis c'est comme ça. Quand tu fais l'équation, là, un plus un, ça fait deux, là, Danny. Ah ouais, ça ne fait pas trois, là. Mais non, c'est ça. Ça, quelque part, tu te dis, est-ce que le petit gars, il a la force mentale d'être capable de supporter des choses comme ça quand on regarde son historique auparavant et qu'on voit toutes les décisions qui ont été prises? Alors, j'ai un petit bémol là-dessus. Hey, Stéphane, on ne peut pas être plus d'accord avec Marc que ça, hein? Ben oui, écoutez, là, une des meilleures organisations depuis 3-4 ans, le Lightning de Tampa Bay l'avait dans leur cours, avec un gars comme Steve Eisenman comme directeur général. Et puis, je trouve qu'ils ont quand même bien géré ça, ils ont resté calmes, Ils l'ont ramené, ils n'ont pas perdu vraiment sa valeur. Ils ont été quand même chercher un bon joueur en Sergachev contre Drouin. Mais Marc a fait un bon résumé. Puis on le voit un petit peu dans son comportement de comment il se comporte sur la patinoire. Il a cette personnalité-là. Est-ce qu'il sera en mesure de changer, d'amener de la maturité dans son jeu? Ben, il faut le souhaiter. Sinon, ben, on va voir ce qu'on voit encore du jeu et une production en dents de scie de la part de Jonathan Drouin. Et dans le marché de Montréal, avec les critiques, la pression, ben il y aura pas vraiment beaucoup de plaisir à jouer ou à évoluer là au Centre Bell. Ça prend quoi, Canadien, Marc? Si tu seras le DG, tu as déjà été DG. Canadien, Marc Bergevin, c'est quoi sa liste des piscines? Un défenseur gaucher de premier plan, un deuxième gardien de but. Tu as fait évident, Saint-Étienne ne sera pas de retour. Ça prend quoi? Quels sont les principaux changements? Ben écoute, c'est sûr et certain que là, moi je pense que, en tout cas, on va le savoir aujourd'hui, là, je pense que Weber jouait avec une blessure, ouais. Là, parce que c'est sûr et certain que si c'est pas le cas, il a énormément ralenti, alors il est peut-être plus le défenseur numéro un qu'on espérait avoir, parce que il est arrivé une couple de matchs que je vais dire une affaire, il se faisait déborder assez facilement. Il semblait avoir de la misère à faire ses pivots, alors il perdait beaucoup de vitesse à ce moment-là. C'est sûr que c'est difficile là, de trouver un défenseur numéro un, mais je pense que ça prend certainement un défenseur peut-être dans des trois meilleurs. Mais moi, c'est surtout, je pense que s'il allait chercher un, tu sais, tantôt Steph parlait d'un, c'est sûr que ça arrivera pas, un Marner ou ben un gars comme ça, comme les Maple Leafs ont fait en allant chercher Tavares. Ça mettrait peut-être un peu plus tout le monde à leur place, tout le monde à leur chaise, parce que là, je trouve qu'il manque peut-être un gars du top 6 qui permettrait d'avoir un peu tout le monde dans sa chaise, là, parce qu'on a trop de gars comme c'est là de 3e, 4e trio, puis des gars qui sont obligés de se retrouver ces deux premiers trios, alors c'est peut-être un peu plus difficile, mais de l'autre côté, ça revient à la chose qu'on disait tantôt, est-ce qu'on y va de cette façon-là, d'aller patcher... moi, je pense que, tu sais, à un moment donné, on parlait là, dans les années passées, on va-tu chercher un gars comme Thornton à Saint-Nosé ou des gars comme ça? Voilà. Moi, je pense que c'est pas la solution. Pas un gars en fin de carrière qui va venir prendre du temps de glace, gruger du temps de glace à de bons jeunes joueurs. Si t'as un gars, un agent libre qui est jeune, qui peut être un joueur d'impact, puis que tu peux te le permettre, parce que faut pas oublier que sur la masse salariale du Canadien, il reste encore quasiment 8 millions cette année, ouais, qui a pas été utilisé. Qui pourrait être intéressant si tu le dépenses de la bonne façon. Là, ça peut être intéressant d'aller chercher peut-être un top 6 qui permettra à tout le monde de tomber à leur place. Moi, je pense que ce serait un genre de Marc-André Bergeron, un genre de Sheldon Surrey pour faire fonctionner cette attaque à 5-là, parce que on l'a pas parlé, mais moi, je pense que le Canadien, s'ils font pas les séries, c'est également en raison de l'attaque à 5. Une coupe de but, si c'était là, de l'avantage numérique, ça aurait changé bien des affaires, là. Stéphane, es-tu d'accord avec moi? Je pense que ça doit être une priorité aussi. Là. Ben, c'est un des éléments tout à fait qui a causé des pertes de points au cours de la saison aux Canadiens. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ont été très bons à 5 contre 5, moins bons à 5 contre 4. Ça démontre que l'avantage numérique, c'est un art différent. Le tir de chez Weber cette année n'a pas fait les dommages souhaités. Mm-hmm. Le manque de talent, le manque de finition aussi a fait la différence. Écoutez, Joël Armia, il a compté son premier but dans sa carrière en avantage numérique en toute fin de saison. Et puis, il était quand même bon. Ça l'explique à quel point on avait des difficultés. Régler ça. Mais ça passe par le talent, le Canadien de Montréal. On a de bons joueurs de qualité. J'ai quand même aimé Will à la fin de la saison. Thompson, il a fait une bonne contribution. Mm. Mais Marc l'a dit, des joueurs de 3e, 4e trio, il y en a beaucoup. Ça prend des gars de talent qui vont faire la différence, qui vont faire en sorte que chaque joueur va jouer dans la bonne chaise. La défensive, pour moi, elle a surperformé, souvent protégée par les prouesses de Carey Price, surtout depuis le mois de décembre. Beaucoup de lacunes, je pense, à la défensive. Est-ce que c'est une défensive qui pourrait survivre à long terme? Jordy Benn a joué de l'excellent hockey, très, très surprenant. Lui aussi, il se fait vieillissant. Donc, quelques points à adresser de la part de Marc Bergevin. Entre la patience et l'urgence, je pense qu'il va opter pour la patience parce qu'il aime son équipe. Mais c'est le danger, c'est qu'il s'assoit un petit peu sur ses lauriers, mais je ne penserais pas que Marc va faire ça. Il est sur une bonne lancée. Il va continuer à faire des gestes là, pour aider son équipe à s'améliorer. C'est un piège, évidemment. Messieurs, très, très intéressant. On va s'en reparler durant les séries éliminatoires. On va écouter le bilan de Marc Bergevin. Merci beaucoup, messieurs, puis on s'en reparle. Ça fait plaisir, Danny. Merci, Marc. Stéphane Labo et merci, Marc. Merci.